Bonjour mes amis, mes frères et sœurs, et nous voulons continuer notre chapitre 5 de la deuxième épître aux Corinthiens. Notre bon Père du ciel, depuis le début du chapitre, on parle des choses à venir. Mais ce matin, nous allons parler d'aujourd'hui, de ce qui se passe aujourd'hui ici, sur la terre, pour les enfants de Dieu. Conduis-nous. Aide-nous à comprendre. Oh Seigneur, tu connais les cœurs de tes enfants et tu sais à quel point les chrétiens se posent des questions sur comment ils devaient vivre leur vie chrétienne. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire et ne pas faire? Mais tu vas nous emmener dans une autre direction, je crois. Tu vas nous emmener ce matin, par ton Esprit Saint, à penser comme toi, à voir les choses comme toi. Et nous voulons, Seigneur, bien comprendre. Donc, on te demande que par ton Esprit Saint, tu puisses nous révéler ou nous faire comprendre ces vérités que nous allons lire dans ce texte. Amen. L'apôtre Paul a commencé dans le chapitre 5 en nous disant qu'il gémissait dans cette tente et qu'il désirait revêtir son domicile céleste afin d'engloutir ce qui est mortel. Il dit, je marche par la foi dans ce monde et même si mon corps se détruit, je continue à marcher par la foi parce que je sais que j'ai un domicile céleste qui m'attend de l'autre côté. Je veux lui être agréable ici-bas et continuer à marcher par la foi jusque dans la mort. Parce que je sais qu'il y a un tribunal où est-ce que Christ va siéger. Et que chacun va falloir qu'il rende compte du bien ou du mal qu'il a fait dans son corps. Mais en attendant ici-bas, mais pendant qu'on est ici, j'ai remarqué que les chrétiens, on a tendance à se rassembler, d'être un peu dans la même place à ce que rapporte Jésus, la crucifixion, la mort, la résurrection, le pardon des péchés en Jésus-Christ, sa nature divine. On a tendance à être tous dans le même bateau ici quand on parle du retour du Seigneur. On a des nuances sur comment ça va se faire, mais on croit tout qu'il va revenir chercher son Église, qu'il va faire les nouveaux cieux, nouvelles terres, et que tous les croyants vont être là avec lui pour le servir, l'adorer. C'est entre les deux qu'il y a le plus de divergences d'opinion, la vie chrétienne. Il semble que là, il y a plein d'opinions différentes, plein d'interprétations différentes. Et ce matin, l'apôtre Paul va parler qu'est-ce qu'il fait ici-bas. Qu'est-ce que le croyant va faire ici-bas. Et je ne crois pas qu'il parle pour lui seulement, mais il va parler de tous les croyants. Tous les croyants qui ont été formés pour avoir un nouveau domicile céleste, tous ces croyants qui ont les arts de l'esprit en eux. C'est de ces gens-là que je parle. Je parle pas des religieux. Je parle des croyants qui ont les arts de l'esprit, qui ont été renouvelés, qui ont été transformés, qui sont le temple du Saint-Esprit, qui ont été régénérés. C'est de cela qu'on parle. Donc, on va lire du verset 12 jusqu'au verset 15. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis de bon hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. L'apôtre Paul n'essaie pas ici de se vendre personnellement aux Corinthiens. Il dit, on n'essaie pas de nous recommander à nouveau nous-mêmes auprès de vous. Il dit, on n'est pas en train de vouloir se défendre et de gagner une guerre ici. Oh, c'est tellement notre habitude des fois de se défendre, de se justifier. Non, non, il dit, c'est pas notre but. Mais il dit, nous voulons vous donner l'occasion, à vous, Corinthiens, de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à celui qui tire gloire de ce qui est dans l'apparence et non dans le cœur. Il dit, nous voulons vous donner l'occasion d'être fiers de nous. Nous voulons vous donner l'occasion de vous glorifier à notre sujet, de vous vanter à notre sujet. Nous voulons que vous soyez fiers de ceux qui vous ont amené l'Évangile. C'est pour ça qu'on vous parle. C'est pour ça qu'on vous a écrit. C'est pour ça que je vous ai écrit la première épître aux Corinthiens. C'est pour ça que je vous ai écrit la deuxième épître. Je veux que vous soyez fiers de nous et que quand les gens vont nous accuser, quand les gens vont vouloir nous détruire, nous blaster, vous allez savoir comment leur répondre. Hein? Quand quelqu'un accuse quelqu'un que nous aimons, quelqu'un dont nous sommes fiers, nous allons faire quoi? Nous allons leur répondre. Nous allons prendre une position, dire, wow, une minute, là. Tu parles de quelqu'un que j'aime. Attention, là. C'est ça qu'il est en train de dire. Je voudrais vous donner les vérités nécessaires dans votre cœur. J'aimerais que vous compreniez bien l'Évangile, ce que nous avons prêché et enseigné. Afin que quand les faux docteurs, les faux apôtres, les faux chrétiens vont venir vous attaquer, vont venir vous terrasser, vous allez savoir comment leur répondre avec fierté, avec gloire. J'aimerais que vous puissiez dire à ces gens-là, non. Les vérités que Paul nous a enseignées, c'est pas ça, c'est ça, ça, ça, ça. Et nous vous allons rester attachés à ces vérités-là. Il dit, la plupart de ces gens-là, des faux prophètes dans la Bible, hein, et la plupart des religions dans le monde, mettent de l'importance sur les apparences. Vous vous souvenez à quel point Jésus a été sévère sur les gens de son époque qui mettaient beaucoup d'emphase sur les apparences. Il leur a dit, « Vous paraissez beau au dehors, mais vous êtes pourri au-dedans dans votre cœur. » Il dit, tous ces gens qui vous mettent beaucoup d'importance sur l'extérieur de ce que nous vivons, ils parlent de nous, là. Regarde, il est comme si, regarde, il est malade, regarde, il est en prison, regarde, il est persécuté, regarde, il est rejeté par les chefs, regarde, qu'est-ce que les gens, les théologiens disent de ce Paul-là, regarde comment les Juifs le mettent de côté, regardez. Regardez leur vie. Et vous ne pouvez pas suivre un gars comme ça. N'est-ce pas, c'est la tendance humaine? On regarde à l'apparence. On a tendance à faire plus confiance à quelqu'un qui est habillé en habit, qui est en voilà, une belle chose blanche, un sarrau blanc. On leur fait confiance. Quelqu'un qui est dans la rue, qui est peigné bizarrement, qui est habillé un peu pouilleux, on ne leur fait pas confiance. On a tendance à faire entrer dans nos maisons des gens qui nous inspirent confiance par leur apparence, par leurs belles paroles. Mais quelqu'un qui arrive à notre porte, qui ne nous inspire pas confiance, Parce que là, on juge par l'apparence. Si vous jugez les gens par l'apparence, il dit, vous allez vous tromper la plupart du temps. Ça, on parle de l'extérieur, mais on parle même dans l'Église d'ici là. Si vous analysez les gens par leur apparence, parce qu'ils, là, je ne parle pas juste de leur habillement, je parle aussi de leur comportement, de leur façon de parler. Vous savez, vous pourriez prendre des gens dans différents mouvements religieux, les mettre un à côté de l'autre pour faire une journée de travail, et si vous regardez à l'apparence, vous ne verrez peut-être pas de différence. Et peut-être que oui, vous allez voir une différence. Et vous allez peut-être condamner celui que Dieu a justifié. Et vous allez peut-être justifier celui que Dieu a condamné. C'est ce qui est dans le cœur qui est important. C'est ce qui est dans le cœur qui est important. C'est un petit verset qu'on a appris à nos enfants dès le jeune âge. Les hommes regardent à ce qui frappe les yeux. Dieu regarde au cœur. Il dit au verset 13, « En effet, si je suis hors de sens, comme certains disent, c'est pour la gloire de Dieu que je le fais. Si je suis de bon sens, c'est pour vous que je le fais. » Ce qui est important, c'est ce qui se passe dans mon cœur. Ce n'est pas les apparences. Je l'ai fait pour Dieu et je l'ai fait pour vous, Corinthiens. Ce que je fais, c'est pour Dieu et pour vous. Eux autres, ce qu'ils font, c'est pour leur propre cœur, c'est pour leur propre gloire, c'est pour leur propre bien-être, c'est pour leur propre avancement matériel, physique ou autre. Moi, je le fais pour Dieu, ce que je fais, ou je le fais pour vous. Pour votre salut, ou pour votre consolation, comme il dit, pour votre avancement spirituel, pour votre bien spirituel. C'est ce qui se passe dans mon cœur qui est important. Car, dit-il, pourquoi je suis comme ça? Car l'amour de Christ me presse. Certaines Bibles, on domine. Certains d'autres, c'est que c'est pas que l'amour de Christ me prend à corps, me serre dans ses bras, me tient comme esclave, m'a emprisonné. L'amour de Christ me presse d'agir de même pour Dieu, pour vous. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Donc, si Christ est mort pour tous, tous sont morts en Christ. Hein? Tous sont morts. On ne parle pas de la physiquement ici parce que tout le monde tomberait mort à terre. Mais on parle de la mort spirituelle. Sont morts avec lui, morts dans la condamnation de Dieu, morts sous le jugement de Dieu, sous la condamnation de Dieu, sous la colère de Dieu. S'il est mort, lui, si un seul est mort pour tous, donc tous ceux qui se mettent en lui sont morts avec lui. Au verset 15, « Et qu'il est mort pour tous. » Et là, il dit pourquoi qu'il est mort pour tous. « Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Donc, il dit « Christ est mort pour tous. » Le mot « tous », moi, personnellement, je l'attache aussi à pour eux, pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, ceux pour qui Christ sont morts, tous ceux-là, et qu'il est ressuscité pour eux. Il dit, il l'a fait afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc ça, c'est la raison que Jésus-Christ est mort. Il n'est pas mort pour qu'on aille au ciel. Vous allez dire, François, t'es tannant avec ça, tu reviens souvent. Mais c'est important qu'on revienne souvent. Pour aligner nos flûtes, comme on dit en québécois. Il est mort pour qu'on vive pour celui qui est mort pour nous. Ici et dans les cieux, les nouveaux cieux, nouvelle terre. Mais il veut qu'on vive pour lui. C'est ça qui presse Paul, c'est ça qui pousse Paul à vivre. Donc, il dit, c'est pas l'extérieur qui est important, c'est pas les apparences qui est important. C'est, est-ce que je vois qu'il est un serviteur de Dieu? Est-ce que dans son cœur, c'est un serviteur du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que cet homme-là, est-ce que cette femme-là vit pour Jésus-Christ? Est-ce que dans sa façon de vivre, je vois qu'il vit pour quelqu'un d'autre? Dans ses prières, est-ce que je vois qu'il vit pour quelqu'un d'autre? Il ne vit pas pour sa femme. Il ne vit pas pour ses enfants. Il ne vit pas pour les œuvres qu'il peut accomplir. Il ne vit pas pour les inconvertis. Il vit pour celui qui lui a donné une nouvelle vie, comme on va voir demain. Il me donne une nouvelle vie. Je meurs, je reviens à la vie par la résurrection avec lui, je suis mort avec lui, comme Paul dit dans Romains 6, hein. Je suis mort avec lui, j'étais enseveli avec lui, je reviens à la vie avec lui. Et cette nouvelle vie-là, il me la donne pour que je puisse le servir, je puisse vivre pour lui. Pour personne d'autre. Oui, ça va avoir une répercussion sur les gens qui m'entourent. Mais c'est pour lui. C'est pour lui que je vis. Il dit, ces faux docteurs-là, ces faux apôtres-là, écoutez-les bien. Regardez-les bien. Regardez bien leur vie chrétienne. Regardez bien ce qu'ils font, ce qu'ils agissent, ce qu'ils disent. Et on se rend compte que c'est pas pour le Seigneur Jésus-Christ qu'ils vivent. Mais ils veulent se servir du Seigneur Jésus-Christ pour leur bien-être. Oh, frère, ça, c'est le grand danger dans les églises que j'ai vues à travers les années. Autant dans ma vie que dans la vie des autres. On avait tendance à utiliser Dieu à nos fins. On a tendance à utiliser Christ à nos fins. On trouve la vie difficile. On va s'arrêter, on va demander à Dieu de nous faire une vie facile. Il y a la maladie, on va se mettre à prier pour que la maladie s'en aille. On a des accidents, on va prier que le Seigneur ne nous donne pas d'accident. On est là pour nous. Paul dit ça. Si vous êtes là pour vous, si vous pensez que Christ est là pour vous, vous ne serez pas capable de continuer de souffrir et de mourir pour lui. Vous ne pourrez pas persévérer. Vous allez abandonner en vous en allant. Parce que lui vous a sauvé pour le servir dans la vie et dans la mort. Notre bon Père du ciel, guide-nous dans ce service que tu nous as accordé. Guide-nous. Nous sommes là pour toi. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Ce qu'il y a dans notre cœur. Nous désirons, à cause de ce que tu as fait dans nous, à cause de l'esprit que tu as mis en nous, nous désirons ta gloire. Nous voulons œuvrer pour ton Église, ton peuple, qui est à toi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas vivre pour l'apparence, soit physique, soit monétaire, soit religieuse, mais de vivre pour toi. Au nom de Jésus.